la consommation de viande est en baisse en France, elle reste néanmoins en augmentation à l'échelle mondiale, augmentation liée évidemment à la hausse de la population et à l'augmentation du niveau de vie. Or, l'agriculture en général et l'élevage en particulier sont d'importants producteurs de gaz à effet de serre, sans compter les dégâts environnementaux des exploitations intensives et la préoccupation grandissante envers le bien-être animal. C'est pourquoi l'une des solutions réside dans l'agriculture cellulaire et la production de viande et de protéines animales en laboratoire, un secteur dans lequel de nombreuses start-up se sont engouffrées. Agriculture cellulaire, bienvenue au rayon in vitro, c'est le programme gastronomique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces futurs steaks de laboratoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Pierre Eliès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure agronome, docteur en zootechnie, enseignante-chercheuse en productions animales au sein du département nutrition, santé et filières agricoles de Bordeaux Sciences Agro. Et Jean-François Hoquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, directeur de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Mais on commence, et bien comme chaque jour, par un point sur l'actualité scientifique de ces dernières heures, c'est avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal avec une étude publiée dans Annals of Internal Medicine et l'espoir de créer un vaccin universel contre la grippe. Un vaccin universel contre la grippe, c'est-à-dire une dose assez puissante pour se protéger de toutes les souches en un seul coup, ce serait un peu un saint graal. Une équipe internationale vient de passer des essais cliniques de phase 1 et 2 sur 175 adultes en bonne santé. Alors à ce stade, ce qui est testé, c'est l'innocuité du vaccin. Mais les résultats sont très encourageants. Ce vaccin pourrait être efficace sur la durée. Très immunogène, il implique des réponses cellulaires fortes jusqu'à 6 mois. Auparavant, on cherchait principalement un super anticorps qui serait capable de s'attacher à toutes les souches de la grippe. Ici, changement de paradigme, grâce à un algorithme, l'équipe a identifié les parties du virus qui ne varient pas au fil du temps et qui restent les mêmes, quelle que soit la souche. Anne Vanette est professeure de biologie moléculaire et de biologie computationnelle à l'Université de Paris. Elle est spécialiste des virus ARN. La variabilité est un vrai sujet. Pour autant, ce n'est pas toutes les protéines qui sont codées par ces virus mutants qui vont pouvoir exister dans les virus parce que certaines mutations vont être létales pour le virus. Alors, du coup, l'idée de faire un vaccin, c'est de se dire on va prendre quelques morceaux de ces virus, donc des petits bouts de protéines. En général, on peut prendre des peptides, c'est-à-dire des petits bouts de protéines. Mais comment va-t-on chercher ces peptides ? Le vaccin dont on parle, c'est un vaccin qui a été composé à partir de peptides, de protéines qui se trouvent à l'intérieur du virus. Alors, on peut dire que c'est pas très efficace a priori, puisque les anticorps que notre système immunitaire développe contre ces pathogènes, en général, vont reconnaître, a priori et en premier, l'extérieur du virus et pas l'intérieur du virus. C'est pour ça qu'on s'est attaché dans les vaccins précédents à développer des vaccins contre les protéines qui étaient à la surface de ce virus. Pour autant, pour essayer de faire un lien entre ces deux parties qui est un, la variabilité et deux, quelles protéines prendre, on s'est aperçu que les protéines que l'on retrouvait à l'extérieur du virus étaient plutôt plus variables que celles qui étaient à l'intérieur. Et du coup, les chercheurs se sont dit, si les protéines qui sont à l'intérieur sont moins variables, elles vont être plus représentatives des différentes espèces ou sous-espèces de la grippe. Et du coup, on va pouvoir faire un vaccin à large spectre. Il ne faut pas croire qu'on va réussir facilement à développer des médicaments contre des virus qui vont tout le temps muter. Je crois que l'idée, faut vraiment de la prendre dans l'autre sens et de se dire, je vais plutôt essayer de cibler des trucs qu'il sera incapable de muter sans en mourir. Voilà, hein, comme tous les jours, vous pouvez retrouver l'étude sur le fil Twitter, le lien vers l'étude originale sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. On suit également hein, tous les jours eh bien, les avancées scientifiques autour de l'épidémie de Covid-19, même si nous n'en parlons pas aujourd'hui. France Culture met à votre disposition un site qui recense eh bien, toutes les émissions qui traitent de cette épidémie sur l'aspect scientifique, épidémiologique, mais aussi politique, économique. On vous met là aussi le lien vers franceculture.fr sur le site sur le fil @laméthodefc. On passe au bref. Une étude parue dans la revue de Lancet affirme qu'une deuxième personne vient d'être déclarée guérie du VIH. Et cela fait 30 mois que le patient de Londres, Adam Castillero, n'a montré aucune trace d'infection depuis l'arrêt de son traitement traditionnel. En 2016, pour traiter un cancer du sang, il a subi une greffe de moelle osseuse d'un donneur porteur d'une mutation génétique très rare, celle du gène du récepteur CCR5, qui empêche le virus de s'implanter. En 2011, Timothy Brown, le patient de Berlin, s'était lui aussi remis après un traitement similaire. Alors attention, on peut lire dans la presse que cette voie thérapeutique porte bien un espoir important pour traiter le VIH. Non, non et non, les greffes de moelle osseuse ne se pratiquent qu'en dernier recours. Cela ne peut pas être un remède généralisé contre le VIH. C'est important de le préciser, Natacha. Selon une étude parue dans Nature Communications, la forêt amazonienne est sur le point d'atteindre son point de non-retour. Une équipe internationale a calculé ce point de bascule. Selon leur estimation, si 35% de sa superficie venait à être rasée, cet immense écosystème tropical pourrait se transformer en écosystème de type savane. Et ce, très rapidement, en l'espace de 50 ans. On imaginait que les grands systèmes s'effondreraient plus lentement que les petits. Cette étude prouve l'inverse. Et avec ces déforestations et ces incendies records, les chercheurs affirment aussi que nous frôlons dangereusement ce point critique. Et l'Organisation météorologique mondiale a publié hier son rapport annuel. En 2019, le monde a franchi la hausse de 1,1 degré de plus du seuil des températures. Et ce qui signifie que nous sommes loin de pouvoir atteindre les objectifs de 1,5 degré ou 2 degrés fixés par l'accord de Paris sur le climat. 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Et dans ce rapport, il est aussi rappelé que depuis les années 80, chaque nouvelle décennie devient plus chaude que la précédente. Et puisque les niveaux de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, le réchauffement se poursuivra. Une fois de plus, l'OMM appelle les gouvernements à réagir au plus vite. Et par ailleurs, l'hiver a été si chaud sur la planète que, partout dans le monde, les ours sortent déjà de leur hibernation. En Russie, en Finlande, au Royaume-Uni, au Canada, de nombreux zoos donnent l'alerte. Certains ours ne sont même jamais entrés en hibernation, un mécanisme pourtant capital pour leur métabolisme. Cela constitue une preuve de plus des conséquences du changement climatique sur les rythmes biologiques des animaux. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO, 330 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde en 2018 et ce chiffre est en augmentation constante. Même si la consommation de viande est en légère baisse, en léger recul dans quelques pays occidentaux à l'échelle mondiale, la tendance est au contraire à la hausse, ce qui amène l'élevage intensif à des chiffres qui donnent, il est vrai, le vertige. 65 milliards d'animaux abattus chaque année, soit environ 2000 chaque seconde, et les conséquences de cet élevage intensif à l'échelle planétaire, puisqu'on vient de parler de réchauffement climatique, et bien justement des émissions de gaz à effet de serre estimées, même si ces chiffres sont discutés, à 15% des émissions mondiales, la consommation d'eau, de céréales, l'impact sur la déforestation, sans compter bien évidemment les considérations liées au bien-être animal qui sont de plus en plus prégnantes dans nos sociétés. Tout ceci conduit plusieurs chercheurs à tenter de produire de la viande d'une autre façon et notamment en laboratoire avec un premier résultat qui avait fait les gros titres de l'actualité en 2013, le premier hamburger in vitro que la presse avait renommé Frankenburger. C'est notre archive du jour. L'objectif est bien sûr de faire un produit de consommation pour résoudre tous les problèmes actuels de production de viande. Cela prendra au moins 10 ans encore, car il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Par exemple, la couleur, mais aussi intensifier la production, donc ça va prendre du temps. Aujourd'hui, nous avons vu la preuve pour la première fois dans le monde que vous pouvez réellement faire de la viande à partir de cellules prélevées sur une vache et pas produites à l'intérieur de la vache. Et vous pouvez faire un hamburger à partir de ces cellules, le faire cuire et le manger et lui donner un goût assez semblable à celui d'un hamburger de vache. Voilà, nous étions en 2013, peut-être une réaction, on entend un grand enthousiaste, on a parlé à l'époque de preuve de concept, on n'est pas tout à fait 10 ans, On est 7 ans après. Votre réaction à ce qu'on vient d'entendre. Marie-Pierre Elliès. Oui, effectivement. Alors là, on est en 2013 et c'est Marc Post qui est le premier à faire son premier hamburger tel qu'il l'appelait in vitro. C'est aussi quelqu'un qui était très optimiste qui annonçait que 10 ans après, on aurait probablement d'autres steaks. Bon, effectivement, ça prend un peu plus de temps que prévu. Pour beaucoup de choses qui sont encore à traiter maintenant, notamment comme il le précise, les aspects sensoriels qu'il va falloir traiter, et puis l'intensification de la production qui va être qui est encore un souci au niveau de ce type de production. Mais en 2013, pour Marc Post et puis pour les Hollandais, ça portait un grand espoir de remplacer effectivement la viande. Jean-François Hoquet, cet espoir, il a été un peu douché par la réalité. La production, on est encore loin du stade, on va comprendre pourquoi, de production industrielle. Alors je crois qu'il y a en effet un consensus scientifique partagé par les chercheurs, des organismes publics ou même des start-up, c'est qu'effectivement, il faut passer du prototype de laboratoire au prototype commercial ou industriel. Et là, il y a beaucoup d'efforts à faire, beaucoup d'efforts de recherche. Donc ça nécessite à la fois du temps, comme cela a été dit, et ça nécessite aussi des investissements. Et donc, ça fait partie des nombreux défis à relever. Mais je voudrais revenir quand même sur un mot qu'a prononcé Monsieur Post. Il a parlé de hamburger. Donc c'est bien que finalement, sa référence, dans la façon dont il l'a présenté, c'est bien le hamburger. Et on peut discuter effectivement si ce produit doit être appelé viande ou pas, sachant que selon le Larousse, la viande vient des tissus musculaires des animaux d'élevage. Et dans ce cas précis, on a certes cultivé des cellules musculaires, on a fabriqué des fibres musculaires ou quelque chose qui ressemble à des fibres musculaires, mais on n'a pas fabriqué le muscle dans sa complexité, c'est-à-dire avec des fibres musculaires bien organisées, entourées d'une trame conjonctive, avec des vaisseaux sanguins, avec des nerfs, etc., etc., et des cellules de matière grasse aussi. Et on a encore moins fabriqué de viande, parce que entre l'étape muscle et l'étape viande, il y a quelque chose qui se passe, qui est bien connu des bouchers, c'est ce qu'on appelle la maturation de la viande, qui conduit à couper les protéines musculaires, puisque je vous rappelle, quand on abat un animal, il y a le phénomène de rigidité cadavérique, et donc le muscle devient dur. Ensuite, par manque d'oxygène, le glycogène dans le muscle se transforme en lactate, ça conduit à acidifier le tissu musculaire, et progressivement à le transformer en viande, parce qu'il y a des enzymes qui se mettent en route pour couper ces protéines. Et donc, dans le concept biologique, il y a une différence entre le mot muscle et le mot viande. Et dans ce cas précis, ils ont fabriqué quelque chose qui ressemble à des muscles. Je vais appeler ça des fibres musculaires in vitro et non pas de la viande. Et à ce propos, dans un congrès international, j'ai entendu deux responsables de start-up, en l'occurrence Monsieur Marc Post et un autre responsable de start-up, le second disant au premier, Monsieur Post, vous ne fabriquez pas de la viande in vitro ou de la viande de culture, vous fabriquez simplement des protéines animales. Et ces deux responsables de start-up se sont affrontés sur la terminologie. Et donc c'est extrêmement important d'avoir une terminologie correcte pour pouvoir communiquer de façon transparente et convaincante auprès du consommateur. Car bien entendu, in fine, c'est quand même le consommateur la cible, et il faut être capable de vendre un produit dont on peut garantir la transparence sans aucune ombre d'éventuelles tromperies ou d'imprécisions auprès de ce consommateur. C'est intéressant parce que alors ça renvoie à quelque chose d'autre, puisque là on est dans le registre alimentaire, mais on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. On avait parlé il y a peu de temps des organoïdes et de la recherche fondamentale pour pouvoir créer de petits organes en laboratoire qui pourraient commencer à réagir, à aider dans la recherche fondamentale sur tel ou tel type de pathologie. On fera d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission le lien entre la recherche médicale, la recherche biomédicale et la recherche en tout cas agronomique et alimentaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement aujourd'hui, Marie-Pierre Elliès, dans cette recherche, on est très loin, comme on est très loin d'être capable de produire des organoïdes, même pas des organes complets, in vitro, on est très loin de pouvoir produire ce qu'on appelle de la viande in vitro. C'est autre chose dont il est question. Ah oui, c'est autre chose, parce qu'effectivement, comme l'a dit Jean-François, pour arriver à produire de la viande, il faudrait qu'on ait cette matière complexe qu'on connaît quand on consomme un morceau de viande. Et donc, pratiquement, à la place de cultiver des fibres musculaires, il faudrait y intégrer dans ces fibres musculaires, notamment des adipocytes. Ça veut dire que... Des cellules de gras. Ça veut dire qu'à la place de faire la culture des fibres musculaires, il faudrait faire une co-culture. Et faire une co-culture, ça veut dire contrôler au moment de la différenciation et de la multiplication cellulaire, contrôler à la fois ce qui correspond aux fibres musculaires et ce qui correspond aux adipocytes. Et puis ensuite, bien sûr, quand on connaît la viande, il y a toute la diversité qui va être difficile à arriver à produire, la diversité des muscles, la diversité des races qui font que la viande... La diversité des pièces de viande qui n'ont évidemment pas la même saveur pour les consommateurs de viande et pour les amateurs. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc d'agriculture cellulaire et de production de viande in vitro en laboratoire en compagnie de Marie-Pierre Eliès et de Jean-François Hoquette. C'est intéressant quand on regarde un peu l'histoire de cette ambition de produire de la viande en laboratoire, parce qu'en fait, entre ce fameux Frankenburger de 2013 et la première idée, la première formalisation, il y a un siècle exactement, si on remonte jusqu'à Alexis Carrel. Jean-François Hoquette ? Alors effectivement, on peut remonter... J'ai l'impression de vous avoir pris de court. Non, pas du tout. On peut remonter très loin, effectivement. Les startups qui veulent commercialiser ces fibres musculaires in vitro font souvent référence à Churchill et expliquent... Churchill, on est en 31 déjà. Voilà, tout à fait. Il prévoyait qu'on consommerait dans le futur de la viande produite dans des grands incubateurs, etc., au lieu de tuer les animaux. Donc c'est tout à fait louable tout cela. Et bien entendu, nous vivons une époque formidable où il y a des potentiels scientifiques et techniques qu'il faut effectivement regarder de près. Et dans la situation de la planète que vous avez très bien décrite, avec des questions d'environnement, des questions de bien-être animal, des questions de production pour alimenter la population humaine croissante, il faut effectivement... être ouvert à toute innovation scientifique, technologique, organisationnelle, qui relève des sciences techniques ou des sciences humaines et sociales pour essayer de faire face à ces défis. Et aujourd'hui, effectivement, la technique permet plein de choses. C'est peut-être mieux de partir de Churchill, puisque Alexis Carrel, outre son prix Nobel en 1912, était un horrible eugéniste pro-nazi. Donc, on va plutôt le laisser de côté et l'oublier dans les oubliettes de l'histoire plutôt que de faire partir ce projet de lui. Un mot, Marie-Pierre Eliès. Donc, on va peut-être pas refaire toute l'historique, mais c'est vrai que on se réintéresse au début des années 2000, notamment pour le spatial, pour l'idée de pouvoir produire de la viande pour des voyages au long cours. Mais effectivement, c'est aux Pays-Bas que les choses vont commencer à se structurer dans les années 2010, avec Marc Post, on l'a entendu tout à l'heure, mais un premier industriel, William Van Eylen. Ilin, je ne sais pas très bien comment on prononce ça, à la hollandaise, qui va lancer des premiers travaux concrets, par souci justement de bien-être animal, mais avec le soutien du gouvernement néerlandais. Oui, et puis c'est de toute façon, ça a ouvert la porte à un certain nombre de travaux dans pas mal de pays, parce que pêle-mêle, on peut citer des entreprises au niveau de la Silicon Valley, on en a aussi deux au moins en Israël, on en a en France qui se développe actuellement, et donc c'est vrai qu'on a ouvert la voie à partir de 2013 sur différentes start-up qui ont souhaité partir dans cette voie-là en produisant des fibres musculaires de culture de différents types d'animaux, que ce soit, on en reparlera tout à l'heure, que ce soit sur le bovin, que ce soit sur le porc, ou peut-être, sait-on jamais, sur le foie gras bientôt. Et ça a vraiment été une porte ouverte à ce moment-là. Alors, et puis, puisque Antoine Beauchamp est dans ce studio et qu'il faut le libérer rapidement parce qu'il file de reportage en reportage, on reviendra évidemment sur l'historique, mais puisque vous parlez de foie gras, et que c'est évidemment parmi les viandes, peut-être celle-là qui est le plus contesté, notamment à cause des techniques de gavage qui sont évidemment très problématiques en termes de bien-être animal. Antoine Beauchamp, donc bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous qui êtes à la fois soucieux du bien-être animal et en même temps fan de foie gras, eh bien vous avez tenté d'amener votre petit bout de blinis. Oui, et malheureusement j'ai pris mon pain pour rien puisque j'ai pas pu goûter le foie gras développé par la start-up baptisée Gourmet. Encore au stade de prototype, ce foie gras devrait pourtant tout bientôt être présenté en grande pompe par la start-up. J'ai pu parler de ce pari un peu fou avec Nicolas Morin-Forêt et Antoine Davidoff, deux des trois cofondateurs de Gourmet. Nicolas Morin-Forêt nous explique tout d'abord en quoi consiste ce projet. Quant à Antoine Davidoff, qui est également le directeur scientifique de Gourmet, il nous détaille les défis que représente la fabrication de ce foie gras à partir de cellules souches et les obstacles à surmonter pour qu'un jour ce foie gras arrive dans nos assiettes. Déjà, nous, on ne le considère pas comme du canard artificiel, ni du foie gras artificiel, dans la mesure où c'est exactement la même matière. Donc c'est la même matière, mais produite différemment. Notre vision, c'était de dire que l'agriculture cellulaire pouvait aussi produire des éléments de notre patrimoine culinaire et qu'elle ne se limitait pas seulement à produire des viandes du coup plus entrée de gamme, comme des nuggets, des saucisses ou des burgers. C'est quand même intriguant de se dire qu'à partir d'une cellule, on peut faire un foie gras. J'aimerais comprendre avec vous, Antoine, comment on fait un foie gras à partir... pas de rien, mais d'une cellule de canard. Alors en fait, on pourrait penser qu'on peut commencer à partir de cellules de foie qu'on cultive en dehors du canard, mais il se trouve que ces cellules de foie prolifèrent très bien dans le canard, mais une fois qu'on les met en culture, arrêtent de proliférer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence à partir de ce qu'on appelle des cellules souches embryonnaires qu'on trouve dans un œuf de canard fraîchement pondu. On isole certaines de ces cellules. On les amplifie dans ce qu'on appelle un cultivateur où on leur donne les bons nutriments, des sucres, des lipides, des protéines. Donc elles vont faire ce qu'elles font naturellement dans le corps du canard, c'est-à-dire qu'elles vont proliférer. Et ensuite, on va les spécialiser dans les cellules qui nous intéressent, en l'occurrence des cellules de foie, en leur donnant les bons signaux. Donc c'est une certaine combinaison de protéines qui va les engager vers des cellules de foie. Et enfin, la dernière étape, c'est de reproduire le gavage directement à l'échelle de la cellule en donnant à ces cellules une certaine combinaison d'acides gras, les mêmes qu'on donnerait au canard pour que son foie s'engraisse. Et donc à la fin, on se retrouve avec des cellules de foie grasses qu'on peut récolter et on se retrouve avec du foie gras. Combien de temps ça prend à partir de cette cellule souche embryonnaire jusqu'au foie comestible, et quels sont les délais que vous envisagez? Ça dépend des volumes, mais tout compris, on est sur un délai entre 2 et 3 semaines de la prolifération des cellules à leur spécialisation jusqu'à la récolte, alors qu'on est sur 100 jours plutôt sur un canard, un vrai canard gavé duquel on extrait le foie. Est-ce que ça ressemble vraiment à un foie à la fin, au bout du compte? Est-ce que ça a exactement les mêmes valeurs nutritives, le même goût, la même texture? Pour certains de ces éléments, on ne sait pas encore répondre. Pour la valeur nutritive, on n'a pas encore fait d'analyse poussée. Sur le goût, on est très proche. On a goûté nous-mêmes il y a quelques temps. On va présenter un prototype dans les prochaines semaines. Et sur la texture, en fait, quand on récolte ce foie, il faut ensuite travailler ces cellules pour obtenir la bonne texture. Donc, en fait, on recueille une sorte de masse de cellules qu'il va falloir ensuite travailler pour obtenir la bonne texture la plus proche possible du foie gras. Alors, il y a deux grandes difficultés techniques auxquelles on est confronté. D'une part, l'échelle de production. On travaille toujours à petite échelle de laboratoire. Alors qu'il faut imaginer que lorsque nos produits seront commercialisés, on sera dans des usines de production, un peu comme les endroits où est fabriquée la bière, par exemple. Et donc le challenge, c'est de passer de cette petite échelle à la grande échelle, c'est-à-dire de pouvoir construire des infrastructures qui nous permettent de produire à plus grande échelle. L'autre défi, c'est le coût de cette viande de culture. Aujourd'hui, ça coûte encore très cher. En raison notamment de ce qu'on appelle le milieu de culture, donc c'est la nourriture qu'on donne aux cellules. Et donc notre but à nous, c'est de réduire aussi le coût de ce milieu de culture. Un impact potentiel positif de la viande cultivée par rapport à la viande conventionnelle, c'est l'absence d'antibiotiques dans le procédé. Aujourd'hui, la majorité des antibiotiques utilisés dans le monde sont donnés aux animaux d'élevage, ce qui est un gros problème. On en parle assez peu, mais la résistance aux antibiotiques est un gros problème auquel on va devoir faire face. Et pour produire de la viande cultivée, on utilise 0 antibiotique. Donc c'est vraiment un avantage clair au niveau santé pour moi. Est-ce que vous avez déjà une idée de quand on pourra déguster ce foie gras ou pas encore? Et voilà, où est-ce que vous en êtes de votre développement? Donc, on a déjà réussi à reproduire l'effet du gavage à l'échelle de la cellule. Maintenant, l'enjeu, c'est de travailler sur un prototype qu'on va révéler effectivement dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et à partir de là, passer de l'échelle du laboratoire à l'échelle, en fait, de la production. Et c'est ça, c'est vraiment le cœur du challenge pour d'ailleurs tous les projets de viande cultivée, puisque pour l'instant, la plupart des projets travaillent à l'échelle du laboratoire et non pas à l'échelle, disons, de centres de production qui vont permettre vraiment de répondre à la demande. En termes de temps, il y a également l'inconnu de la réglementation. On a déjà entamé des discussions avec les autorités, notamment l'EFSA, l'Autorité européenne de sûreté des aliments. Bien sûr, c'est un processus qui peut prendre du temps et qui ne pourra dans tous les cas démarrer qu'au moment où les premiers projets auront un processus de production finalisé. À partir de ce moment-là, il faut compter entre 12 et 18 mois pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Donc si on met bout à bout à la fois les enjeux techniques et la partie réglementaire, on se situe sur une arrivée sur le marché entre 3 et 5 ans à partir du moment où on se parle. On en est à la preuve de concept avec le foie gras. Est-ce que vous envisagez de produire d'autres types de produits carnés à partir de cellules souches? Oui, bien sûr, le foie gras pour nous c'est que le début de l'aventure, c'est la première étape. Dans la mesure où on travaille à partir de cellules souches qui ont donc naturellement la capacité à se spécialiser en tout type cellulaire, donc du foie mais également du muscle, du gras, bien sûr qu'on va pouvoir imaginer travailler sur d'autres produits à moyen terme, et c'est bien sûr notre ambition puisque avant tout Gourmet est là pour répondre à l'impact négatif de l'élevage industriel. Si on ne regardait que le foie gras, ben on serait tous un petit peu limités par l'impact puisqu'on a tous conscience que c'est pas le foie gras qui est responsable des dérèglements climatiques, bien sûr. Donc regarder des produits qui sont consommés de manière beaucoup plus quotidienne, c'est évidemment l'horizon dans lequel on se place. Voilà, à l'intérieur d'un laboratoire de production de viande in vitro, en l'occurrence de foie gras, je vous demandais simplement votre réaction à ce reportage pour commencer, Marie-Pierre Elias. Oui, effectivement, il a soulevé un certain nombre de points qu'il allait falloir résoudre. Alors là, on a parlé du foie gras. Si on part sur du steak, de viande bovine, par exemple, lorsqu'on veut essayer de créer des fibres musculaires de culture, dans l'état actuel des choses, on a besoin, comme il l'a précisé, de cellules souches. Parce que les cellules adultes, a priori, elles ont tendance à pouvoir devenir cancéreuse. Donc on part plutôt de cellules souches. Il y a besoin d'un milieu de culture et en viande, pour l'instant, ils travaillent surtout sur des milieux de culture dans lesquels il y aurait des facteurs de croissance, dans lesquels il y a besoin de nutriments, comme ça a été précisé dans le reportage, et dans lesquels, dans la majorité des cas, il y a des antibiotiques pour éviter les développements. Alors on va revenir sur les procédés exacts et sur l'état de nos connaissances à l'heure actuelle pour produire de la viande musculaire, des fibres, alors on va pas dire de viande, pardon, on va dire des fibres musculaires animales en laboratoire, mais j'aimerais votre réaction d'abord, Jean-François Quette, peut-être qu'on peut préciser que le foie est un organe particulier qui est quasiment monocellulaire, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'hépatocytes avec évidemment de la vascularisation, mais c'est peut-être plus facile de produire du foie que du muscle. Alors, même si c'est plus facile, je pense qu'on est tous d'accord sur les défis que doivent relever ces startups, à savoir passer à un prototype commercial, baisser les coûts et l'inconnu de la réglementation. Et donc, à l'INRAE, on ne dit pas autre chose. Ce sont vraiment des points faibles de cette technologie, et ces points faibles pèsent dans la balance quand on compare cette technologie aux autres possibilités ou aux autres leviers d'action pour résoudre les problèmes de la société qu'on a mentionnés au début, à savoir la dégradation de l'environnement, le respect du bien-être animal, etc. Et donc, on est tout à fait d'accord avec cette analyse-là. Et ça va demander beaucoup de temps. Donc la question est, n'y a-t-il pas d'autres solutions plus rapides et plus efficaces? Et je voudrais réagir aussi sur autre chose qu'a dit le monsieur. Il a dit, c'est la même matière. Alors ça, c'est très difficile de reproduire une matière biologique. Et il y a un article qui est paru hier ou avant-hier dans Frontiers in Nutrition, d'une équipe belge, qui a expliqué que reproduire, par exemple, une matière musculaire, c'est extrêmement compliqué. Ne serait-ce que reproduire les fibres musculaires, c'est compliqué. Dans les fibres musculaires, il y a énormément de protéines, principalement l'actine et la myosine. Et ces protéines sont formées de plusieurs chaînes polypeptidiques. Il y a des chaînes lourdes et des chaînes légères. Et la nature de ces chaînes évolue durant la différenciation. Et on a montré que La viande de culture, jusqu'à preuve du contraire, est très riche en formes embryonnaires ou néonatales de cette myosine ou de ces chaînes lourdes de myosine. Myosine, c'est vraiment la protéine majoritaire qui constitue le muscle. Exactement. Mmh. Donc, alors que, bien entendu, dans les fibres musculaires matures que l'on trouve chez l'animal, on va trouver des fibres musculaires plutôt oxydatives ou au contraire glycolytiques, à contraction lente ou rapide, etc. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas affirmer au jour d'aujourd'hui que c'est exactement la même matière, parce qu'il faut analyser de façon extrêmement fine dans le détail chaque protéine, chaque molécule, chaque acide gras. Est-ce qu'il y a de la vitamine B12? Est-ce qu'il y a d'autres vitamines, du fer, des choses comme ça? Et il faut des décennies de recherche pour vérifier tout ça. Et dans un instant, on va essayer de comprendre, au moins depuis le début et depuis une dizaine, un peu plus peut-être, d'années, comment on en est arrivé, quelle est la recette pour réussir à obtenir non pas de la viande, mais en tout cas ces premières fibres musculaires d'origine animale, mais totalement in vitro. All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yeah, I'm waiting, palpitating, with all that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes. All that food to the alligators, yeah. Hold me steady, I am ready, with all that meat and no potatoes. I don't think that peas are bad. With me, most anything goes. I look in the pot, I'm fit to fight. 'Cause woman, you know that mess ain't right. All that meat and no potatoes just ain't right like green tomatoes. Yes, I'm steaming, I'm really screaming. All that meat and no potatoes. All that meat and no potatoes, toute cette viande et pas de patates, c'est ce que chante Fats Waller à 16h30 sur France Culture, puisque nous parlons évidemment de viande, mais pas de n'importe quelle viande. Alors, je me reprends une nouvelle fois, nous parlons de production de fibres musculaires d'origine animale en laboratoire, puisque nous avons vu dans la première partie de cette émission qu'on ne pouvait pas concrètement et exactement qualifier ces productions de viande. Nous en parlons avec Marie-Pierre Eliès, qui est ingénieure agronome, docteur en zootechnie, enseignante chercheuse en production animale au sein du département nutrition, santé et filières agricoles de Bordeaux Sciences Agro, et avec Jean-François Hoquette, qui est biologiste et directeur de recherche à l'INRA. Et alors, bien justement, on a envie de connaître un peu la recette, vous l'avez évoqué tout à l'heure Marie-Pierre Eliès, peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail. Tout commence avec du prélèvement de cellules souches, mais alors quel type de cellules souches on met en culture, et là pour obtenir donc finalement ces fibres musculaires de viande de bœuf, en tout cas de vache, de bœuf en laboratoire? On peut partir de cellules souches embryonnaires qui vont se différencier en myoblastes, ou alors on peut partir directement de myoblastes embryonnaires. Les myoblastes, ce sont les cellules souches musculaires, pour en parler. Qui vont ensuite se différencier. Et donc du coup qu'on va pouvoir mettre en culture sur un milieu de culture, donc avec dans ce milieu de culture des nutriments, des facteurs de croissance. Des facteurs de croissance, ce sont des hormones? C'est apporté par le sérum fœtal de veau. Donc c'est ce qui va permettre en fait la multiplication et la différenciation au niveau du milieu de culture. D'accord, le sérum fœtal de veau, si on peut préciser un peu ce que c'est exactement. Alors, c'est un prélèvement qu'on va faire au niveau d'un veau sous la forme de fœtus, c'est-à-dire qu'on va prélever sur un veau parce que c'est un milieu de culture qui est favorable au développement cellulaire, quoi, en fait. Jean-François Hoquette, pour continuer. Alors, effectivement, dans les laboratoires de recherche, on ajoute ce sérum de veau fœtal, mais aujourd'hui, toutes les start-up disent qu'elle se passe du sérum de veau fœtal, parce que effectivement, ça ne serait pas éthique d'abattre des animaux pour avoir du sérum de veau fœtal et en même temps dire qu'on se passe des animaux, puisque les cellules souches se multiplient en très grand nombre. Donc aujourd'hui, toutes les start-up disent qu'elles ont réussi à mettre au point un milieu de culture, on va dire artificiel ou synthétique, ou qui se passe de ce fameux sérum de veau fœtal. Qui a posé beaucoup de questions et qui a été effectivement très très contesté. Par ailleurs, c'est considéré comme des hormones, donc ça pose des problèmes de réglementation a posteriori, donc on essaie de faire sans. On essaye de faire sans. Alors, on fait confiance aux startups, je pense qu'elles ont réussi à faire ça. Simplement, elles ne communiquent pas, pour des raisons d'intérêt industriel et commercial, sur la composition de ce nouveau milieu de culture. Elle ne communique pas s'il marche bien, s'il est très efficace, etc., etc. Mais la question que je pose est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu de culture. Il y a certainement des hormones et des facteurs de croissance. Et la question est comment ces hormones et ces facteurs de croissance sont-ils produits en amont? Ils peuvent être produits par exemple par des levures, des bactéries, et on aura introduit dans ces organismes le gène de telle ou telle hormone, et ensuite cette hormone sera produite à grande échelle. On fait ça aujourd'hui, ça pose aucun problème. C'est ce qu'on fait pour l'insuline, par exemple. Exactement. L'insuline médicale est produite par des bactéries qu'on a éditées génétiquement et qui permettent de produire en grand nombre de l'insuline pour les personnes qui sont diabétiques. Voilà. Exactement. Donc, on est un petit peu demandeur des progrès techniques qui ont été réalisés dans ce domaine. De toute façon, il faut dire, pour rassurer peut-être les auditeurs, que si cette viande, alors, bon, allez, disons viande, parce que sinon je vais jamais m'en sortir, si ces protéines animales arrivent à un moment donné sur le marché, il y aura de toute façon un souci de transparence et on sera obligé de savoir exactement ce qui a été utilisé pour pouvoir les commercialiser à titre de la sécurité alimentaire et de la transparence. Bien entendu. Alors là, ça peut poser un problème réglementaire, comme ça a été mentionné par la société Gourmet, parce que quand on ajoute des hormones dans un milieu de culture, il faut se rappeler que l'utilisation d'implants hormonaux en élevage en Europe est interdite. Donc le législateur a interdit l'ajout d'un supplément d'hormones à des hormones naturelles qui existaient déjà. On peut se poser la question pourquoi il autoriserait que la main de l'homme apporte en totalité les hormones et les facteurs de croissance qui sont nécessaires à la croissance des cellules musculaires et à leur différenciation. Donc ça pose un problème législatif. Alors je ne dis pas que c'est dangereux, parce que effectivement les hormones ont très probablement exactement la même composition que l'hormone naturelle. Néanmoins, comme c'est un processus maîtrisé par l'homme, il faut s'assurer que ce processus est sans danger pour la consommation. Évidemment, ça prend énormément de temps. Donc il y a un réel enjeu réglementaire. Alors pour ça c'est effectivement un enjeu réglementaire, on pourra peut-être y revenir dans quelques instants si on a le temps. J'aimerais qu'on comprenne un peu la suite du processus in vitro, parce que on peut imaginer que on a notre milieu de culture, on a notre facteur de croissance, les hormones qui poussent à la différenciation, mais enfin un muscle, comme on l'a dit, c'est complexe, c'est structuré, il y a des fibres. Comment est-ce que on fait en sorte que tout ça ne devienne pas une sorte de blob forme de cellules qui se disent indifférenciées? Comment on pousse justement ces cellules à s'organiser pour obtenir des fibres musculaires, Marie-Pierre Elias? Alors, au final, on a deux possibilités en fait pour produire ces fibres musculaires de culture. C'est on utilise des cellules musculaires, et alors donc soit on va centrifuger un muscle et on va obtenir des fragments, on va les laisser pousser sur le milieu de culture et on va avoir finalement un développement de couches qu'on va aller gratter sur la boîte à pétri, c'est ça qui va nous constituer les fibres musculaires de culture. Ou alors on va prendre des cellules myoblastiques sur un support auquel elles vont s'attacher, qui va ressembler par exemple à des billes de collagène. Après là, toute la difficulté, ce qui est le plus complexe dans cette technologie, c'est d'essayer de séparer la fibre musculaire du support sur lequel elle s'est attachée. Mais c'est un procédé qui est développé par de plus en plus d'entreprises. Ce qui est intéressant de noter, ça fait écho à ce que vous avez dit en tout début d'émission, c'est que généralement ça se fait dans une atmosphère qui est enrichie en CO2, avec donc du coup des émissions de CO2 qui sont aussi des gaz à effet de serre qui potentiellement peuvent peuvent poser des soucis. On en reparlera dans quelques instants, parce qu'effectivement, oui, il y a la question du bilan carbone de ces productions in vitro par rapport à la production in vivo, par rapport à la production et à l'élevage traditionnel. Pour conclure, peut-être un mot sur cette recette, Jean-François Hoquet. Donc, il faut tout de même une sorte d'échafaudage, de structure qui permette aux myoblastes de se structurer et de produire ces fameuses fibres musculaires. Alors, effectivement, les startups ont différentes stratégies. Il y en a certaines qui partent de cellules souches pour avoir à la fin des fibres musculaires pas très bien organisées. Et donc, du coup, le produit final ressemble à un burger, et ça a été dit... À de la viande hachée, quoi. À de la viande hachée. Mmh. Et ça ne ressemble pas à de la vraie viande, à une cuisse de poulet, à une côte de porc ou à une entrecôte, etc. Ou au contraire, on peut essayer, il y a une autre start-up en Israël qui fait ça, de reconstituer un peu mieux le tissu musculaire dans sa complexité. Mais à ma connaissance, ils arrivent à fabriquer un tissu musculaire qui est quand même extrêmement fin et qui n'a pas 1 ou 2 centimètres comme un vrai steak, parce qu'il y a quand même un problème de diffusion de l'oxygène jusqu'aux cellules qui sont au milieu du tissu musculaire. Parce qu'il n'y a pas de vascularisation. Et donc, où les vaisseaux sanguins, ou ce qui fait office de vaisseau sanguin n'est pas très bien développé, et donc de ce fait, il y a un problème quand même de vascularisation et d'apport d'oxygène à ces cellules. Mais la science va peut-être y arriver un jour, mais je ne sais pas quand. Un mot justement, donc ça c'est ce qui arrive, c'est en tout cas l'état pour le moment de nos connaissances et de la recherche, c'est-à-dire d'aboutir avec différentes méthodes, évidemment en prenant de l'expérience de ce qui s'est fait, donc notamment en essayant de supprimer, de se passer de ce fameux sérum de veau fœtal qui posait effectivement des problèmes éthiques importants. Est-ce que aujourd'hui il y a des pistes pour aboutir justement à la constitution d'organes plus composites, c'est-à-dire finalement d'aboutir à quelque chose qui ressemble pas tant à de la viande hachée que de facto à ce qui pourrait être un vrai steak tel que l'on le trouve aujourd'hui dans la consommation courante. Alors effectivement, on peut faire des co-cultures de différentes populations cellulaires, en particulier des pré-adipocytes qui vont se convertir en adipocytes, cellules de matière grasse, et des cellules musculaires. Toute la difficulté va être de contrôler la composition du milieu de culture pour que ces différentes populations cellulaires qui ont des besoins différents, à différents moments, puissent croître en harmonie. Et là, c'est un véritable défi. Il y a de nombreux laboratoires dans le monde qui pratiquent cette recherche. Donc, la technique de culture de cellules musculaires est maîtrisée dans une dizaine de laboratoires, en gros à INRAE, autant au CNRS, à l'INSERM, dans d'autres pays. Et donc, il n'y a finalement qu'une poignée de start-up qui se sont fixés pour objectif de relever ces grands défis. Mmh. Et par rapport au nombre de laboratoires qui existent et qui maîtrisent cette technique, c'est quand même relativement peu. Donc, il faut relativiser aussi l'importance relative de cet engouement pour les cultures de fibres musculaires, alimentaires, à vocation alimentaire. Mais alors justement, évidemment, il y a la partie alimentaire, il y a la recherche privée qui vient de ces start-up, et puis il y a aussi la recherche, comme je le disais, biomédicale, et de l'un à l'autre, eh bien parfois il n'y a qu'un pas, et c'est ce dont nous allons parler dans la recherche montre en main. Et nous sommes aujourd'hui en ligne avec Raphaël Rispal, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, nous n'avons pas Raphaël Rispal. Ah si, ça y est, je vous entends. Bonjour à vous. Vous travaillez sur le développement d'un foie bio-artificiel implantable à partir de cellules souches pour une médecine régénérative des maladies du foie. Vous êtes en thèse au Centre de recherche en transplantation et en immunologie à Nantes. Bienvenue à la recherche Montre en main, on vous écoute. Merci beaucoup pour votre invitation. J'aimerais juste glisser un petit mot pour la Fondation Progrès qui finance ma thèse. Ils soutiennent des doctorants et des chercheurs dans le domaine des greffes d'organes. Et je les remercie chaleureusement. Je vais donc vous présenter les possibilités qu'offrent les cellules souches et leur utilisation en médecine à travers mon projet de thèse. Le foie donc a un rôle central dans l'organisme. Il intervient entre autres dans le stockage du glucose, le métabolisme des graisses, des protéines, et il détoxifie le corps en débarrassant le sang de ses produits toxiques. Ces rôles sont principalement assurés par les hépatocytes, qui sont les unités fonctionnelles du foie, et en cas de lésion, il a un potentiel de régénération unique, mais il doit rester une masse de tissu sain suffisante pour que la régénération opère. Lors d'une défaillance grave, le foie ne peut plus se régénérer et la seule thérapie qui fonctionne, c'est la transplantation. Pour le moment, le manque d'organes disponibles cause une importante sélection des malades ils sont inscrits sur une liste d'attente et en fonction des critères d'inclusion, certains n'auront pas la possibilité d'atteindre cette liste. Il faut aussi ajouter que la transplantation de foie nécessite une chirurgie importante et un traitement immunosuppresseur à vie. Le but est donc de trouver des alternatives pour remplacer la fonction hépatique en attendant que le foie guérisse de lui-même ou que le patient puisse recevoir une transplantation. Pour l'instant, les nouvelles approches développées n'ont pas montré de bénéfices thérapeutiques clairs ou alors elles n'ont pas résolu la pénurie d'organes. Celle que nous étudions au labo vise donc à faire tomber les principales barrières de la transplantation hépatique en répondant à la pénurie d'organes pour traiter les patients et en limitant le rejet immunitaire après la transplantation. On cherche donc dans un premier temps à développer une thérapie qui pourrait permettre de traiter des patients avec certaines indications, ce qui permettrait de libérer des greffons pour des maladies qui n'ont pas encore d'alternative. Donc pour obtenir une source de cellules immunitées, donc, on va utiliser des cellules souches. On parle beaucoup des cellules souches en général, mais il en existe plein de types différents. Au laboratoire, on utilise des cellules souches qui sont pluripotentes. Elles ont le potentiel de se multiplier et de produire n'importe quel type cellulaire adulte. On peut en laboratoire donc imiter les étapes successives du développement de l'embryon pour produire de la peau, du muscle et du cœur. On a mis en place un protocole nous, qui permet de produire des hépatocytes, donc les cellules du foie, in vitro et en grande quantité. Ces cellules ont été testées dans des modèles animaux de défaillance hépatique et on a observé des bénéfices thérapeutiques importants qui montrent que les cellules peuvent soigner. Donc, comme j'ai dit aussi, les patients reçoivent des immunosuppresseurs pour empêcher le rejet de la greffe. C'est un traitement qui a des effets secondaires et qui, par son action sur le système immunitaire, favorise certaines infections et l'apparition de cancers. Donc, pour limiter l'utilisation de ces immunosuppresseurs, on utilise un hydrogel. Donc, c'est un biomatériau d'origine naturelle ou synthétique qui est composé en majorité d'eau. Donc, certains sont connus, l'alginate, la garose, la gélatine. Ils sont déjà utilisés dans l'alimentation, dans le milieu médical, par exemple pour les pansements. Avant la transplantation, donc, les cellules sont enveloppées d'un gel qui forme une couche de protection autour d'elles. Pour imaginer, ça ressemble à une gelée transparente qui est suffisamment solide pour pouvoir être transplantée. Les hydrogels forment une maille autour des cellules et ces mailles sont suffisamment grandes pour permettre les échanges avec l'organisme, mais assez petites pour protéger les cellules du système immunitaire de l'hôte. Ce gel permet donc de bloquer la détection des hépatocytes et leur destruction par le système immunitaire. Il les préserve et maintient leur effet thérapeutique. Pour le moment, on a des résultats qui sont encourageants et dans le futur, c'est une idée qui pourrait tout aussi bien bénéficier pour le traitement de maladies où les cellules transplantées ont simplement besoin de pouvoir échanger avec l'organisme sans pour autant maintenir la structure d'origine de l'organe, donc ce qui est le cas par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète. Merci beaucoup à vous, Raphaël Rispal. Peut-être un mot, une réaction l'un et l'autre, justement aux passerelles qu'il peut y avoir. Alors, c'est encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, des travaux sur les hépatocytes qui sont plus simples et plus faciles à cultiver, moins parce que plus monocellulaires, parce que le foie est un organe plus monocellulaire que les autres organes. Mais peut-être une réaction sur les passerelles qu'il peut y avoir entre ces recherches qui sont en grande partie dans le secteur privé tenues par des start-up et la recherche fondamentale sur bien la création d'organes dans le but de d'autogreffe, d'autotransplantation. Mais on ne peut être qu'admiratif de ce type de recherche, car comme je le disais en introduction, aujourd'hui, un grand nombre de possibilités techniques et scientifiques s'offrent à nous. Effectivement, il faut faire évoluer le bien-être de l'homme et des animaux avec toutes ces technologies. Simplement, il faut évaluer ces technologies, comme l'a fait la personne qui a parlé. Et pour l'agroalimentaire, cette évaluation est extrêmement compliquée parce que, comme on l'a dit, on ingère le produit, il faut qu'il soit complètement sûr et ça nécessite une autorisation de mise sur le marché et cette autorisation nécessite de grands tests. Alors que pour la recherche médicale, on veut soigner quelqu'un, donc effectivement, il faut le moins possible d'effets secondaires et indésirables, mais en même temps, il y a un bénéfice qui est extrêmement palpable, qui est extrêmement clair, puisqu'on veut sauver la vie des gens. Pour autant, avant d'utiliser des organoïdes ou des organes créés in vitro pour des greffes, il va falloir aussi un certain nombre de contrôles, peut-être même plus pointus encore que d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour de l'alimentation à mettre sur le marché. Oui, c'est pas les mêmes types de contrôles et c'est pas non plus les mêmes enjeux. Peut-être un mot aujourd'hui sur les limites en fait à cette recherche. On l'a dit, hein, pour le moment, elle est dans les mains d'un certain nombre de start-up. Il y a beaucoup d'argent à la clé. Hein. Je crois que on parle d'un demi-milliard sur les 5 dernières années. Je me trompe, c'est sous votre contrôle, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Un peu plus même. J'avais dans la 300-600 millions d'euros d'investissement. Donc on est à peu près dans cet ordre de grandeur. Alors après, il faut relativiser cet investissement par rapport aux investissements en général dans la food tech et notamment les substituts de viande à base de protéines végétales qui sont bien plus importants, au moins 10 fois plus importants ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui encore, pourquoi est-ce que c'est encore très cher, hein, parce que le gramme de fibre musculaire d'origine animale est encore, le prix est encore très très élevé. Comment faire aujourd'hui? Est-ce qu'il est envisageable même, posons cette question, de passer à un système de production industrielle de ce type de technologie? Marie-Pierre Elias. Il reste encore beaucoup de, enfin, il y a encore beaucoup d'enjeux par rapport à cette solution qui pourrait être une solution d'avenir. Il y a déjà arrivé à passer sur une production de masse à moindre coût. Si on reprend les études bibliographiques qui ont été faites, notamment en 2015, certains auteurs sont optimistes, mais la plupart considèrent que ça sera difficile, sans une véritable rupture technologique, d'arriver à passer à une production de masse. Après, au-delà de ça, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème d'acceptation sociale et éthique par le consommateur. Parce que, ben, en fonction des études, hein, Hopkins, par exemple, en 2015, considère qu'on a largement surestimé l'acceptation de ce type de produit. Et selon les études, ben, on arrive à environ 10% de personnes qui seraient prêtes à consommer ce type de viande, entre guillemets, si on appelle ça de la viande. Ça va dépendre aussi de... Enfin, la perception du consommateur va aussi dépendre de la couverture médiatique. Et notamment la façon dont on appelle ce produit, parce que si on l'appelle viande de culture par exemple, ben c'est pas du tout la même chose que si on appelle ça clean meat comme ça a été donc viande propre proposé. En français. Voilà. Mais après à voir, hein, justement en fonction de ce qu'il y a pour produire cette viande, si effectivement c'est un terme qu'on peut accepter ou pas. Et il y a d'autres points à solutionner, notamment les aspects sensoriels, parce que si on repart sur le steak, le hamburger de Mark Post, c'était un produit qui avait été assaisonné avec un certain nombre d'ingrédients, notamment avec de la chapelure, avec du jus de betterave, du safran, de la poudre d'œuf, etc., pour arriver à s'approcher du goût de steak. Donc il manque encore des aspects au niveau technologie pour arriver à faire un produit qui, au niveau sensoriel, ressemblera à la viande. Ce qui pose cette question inévitable, Jean-François Hoquette, on pourra reparler éventuellement en un mot de la question, effectivement, de la production de gaz à effet de serre, parce que là, les études sont très contradictoires, mais peut-être un mot sur ce que vous avez évoqué vous-même à l'instant. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de travaux qui sont sur la production de steak, donc pareil, avec beaucoup de guillemets, mais à partir de protéines végétales. Est-ce que c'est pas un peu une impasse, cette recherche à tout prix de vouloir aboutir à, je remets des guillemets énormément, de la viande de laboratoire, compte tenu des obstacles, compte tenu du prix, compte tenu des incertitudes sur l'émission de gaz à effet de serre? Alors effectivement, les avis divergent dans le monde scientifique. Et je pense que, très honnêtement, personne n'a une boule de cristal. En tout cas, moi, je n'ai pas une boule de cristal, donc je ne peux pas prédire l'avenir. Qu'on évite de faire dans le milieu scientifique en règle générale. Exactement. Donc, je vais simplement me contenter de rapporter un certain nombre d'avis un peu contradictoires pour illustrer ce débat. Donc, Madame Elias a parlé des études consommateurs. Suivant la façon dont on pose la question, on peut avoir des réponses différentes. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt à goûter ces fibres musculaires en culture? Une majorité de personnes va répondre oui, par curiosité. Est-ce que vous êtes prêt à en manger régulièrement, tous les jours, à la place d'un bon steak? Les gens vont répondre oui à 10 ou 20% suivant les enquêtes. C'est ce que vous venez de dire, voilà. Marie-Pierre Elias. Et si vous interrogez des jeunes ou des personnes plus âgées, des hommes ou des femmes, vous allez avoir des réponses extrêmement différentes. Alors maintenant, il y a des chercheurs en Australie qui ont publié une étude dans laquelle ils ont conclu, et je fais exprès d'être un petit peu provocateur, que la viande ou les fibres musculaires de culture, c'est une technologie déjà obsolète, parce que, comme vous l'avez dit, en raison du succès des substituts de viande à partir de protéines végétales. Et au contraire, il y a d'autres rapports qui disent que les steaks à partir de protéines végétales, là encore c'est un abus de langage, vont progressivement être remplacés par ces protéines de culture qui sont supposées, au moins dans le concept, être plus proches du vrai muscle que un pseudo-steak préparé à partir de protéines végétales. Donc on a des opinions extrêmement contrastées, parfois qui relèvent de l'émotionnel, on va dire, puisqu'il y a évidemment des intérêts financiers en jeu. Bien sûr. Donc les personnes qui ont investi ont intérêt à vanter ce produit, même s'il n'existe pas encore sur le marché. Donc je crois qu'il y a des intérêts éthiques qui sont de plus en plus sensibles aujourd'hui autour justement de la fin de la viande, de la diminution de la consommation de viande, une fois de plus des soucis du bien-être animal qui est plus important aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Alors tout ça c'est extrêmement légitime, bien entendu. Et il faut comparer la solution des protéines en culture, ces fibres musculaires en culture, il faut comparer cette solution par rapport aux autres solutions qu'on peut déjà mettre en œuvre. Par exemple, la réduction du gaspillage alimentaire. Par exemple, aller vers une transition alimentaire en consommant un peu moins de produits carnés. Ou il faut savoir aussi que l'impact environnemental de notre alimentation dépend en premier lieu de la quantité de ce qu'on mange. C'est mathématique. Plus on va manger, plus l'impact environnemental de notre consommation d'aliments va être fort. Et donc, il y a des études par des collègues nutritionnistes de INRAE qui ont montré que parmi les consommateurs les plus vertueux, ils appellent ça les déviants positifs, on va dire. Les déviants, dites donc. C'est-à-dire qu'ils dévient du régime alimentaire moyen de la population, mais ils sont très vertueux, donc ils sont positifs. Et donc, On parle des végétariens, des gens qui ont absolument arrêté la viande. Pas du tout, on parle de personnes qui ont simplement un régime alimentaire équilibré, avec un peu moins de boissons sucrées, alcoolisées, un peu moins de produits carnés aussi, mais qui mangent simplement en fonction de leurs besoins physiologiques. Et donc, dans ce cas-là, l'impact carbone de l'assiette diminue pour moitié en raison d'une diminution de la quantité ingérée et pour moitié en raison d'un meilleur équilibre dans l'assiette. Ce qui ne résout pas, évidemment, à l'échelle planétaire, l'augmentation de la population, l'augmentation de la demande de produits carnés et avec les implications environnementales et écologiques, ce qui n'est pas le débat à cette table, mais néanmoins, ça n'est pas parce qu'on a tous un repas équilibré que d'un seul coup, ça va empêcher finalement cette augmentation. Ça peut résoudre en partie, malgré tout, parce que effectivement, si jamais on réduit on peut partir du principe actuellement, on a besoin de 2000 kilocalories par jour. Avec le gaspillage, on peut considérer que doit être disponible pour chacun 3000 kilocalories et dans les pays développés actuellement on a 4000 kilocalories qui sont réellement disponibles. Si jamais on arrivait à rééquilibrer les choses entre 2750 et 3000 kilocalories pour la totalité de la population, on se rend compte qu'on arriverait à... On parle de la population française ou mondiale ? Mondiale. D'accord. En partant de l'idée, par exemple, en Afrique, on pourrait partir vers 2700 kilocalories, aux États-Unis, en Europe, vers 3000. Et dans ce cas-là, on aurait suffisamment de kilocalories disponibles actuellement pour nourrir, à l'horizon 2050, la totalité de la population, c'est-à-dire 9,5 milliards d'habitants. Et tout ça sans augmenter les surfaces cultivées. Donc, ça serait une voie quand même. Ce qui est une voie, et on entend bien, en tout cas, pour conclure cette émission, puisque c'était le thème, aujourd'hui, la viande in vitro, personne n'a de boule de cristal, mais c'est encore une solution qui n'est pas une solution à moyen terme, qui demande encore un certain nombre de recherches, mais qui peut, peut-être à terme, avec la suite d'un soutien financier important, aboutir à quelque chose qui se retrouverait dans les rayons de supermarché un jour ? Pour conclure, Jean-François Hoquette. Plus on essaye de prédire un futur lointain, plus on prédit... On se casse les dents. Exactement. On prédit ce futur avec une très grande incertitude. Donc, je ne vais pas aller là-dedans. Sachez simplement que tous les chercheurs du monde entier travaillent pour résoudre les problèmes qu'on a mentionnés en début d'émission. Et chacun y va de sa solution, avec des solutions à court terme, à moyen terme, à long terme. Et on entend bien que dans cette recherche, il y a des passerelles, de la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous parler de cette viande in vitro. Merci Marie-Pierre Elias, merci Jean-François Hoquette. Je vous rappelle que, comme tous les mercredis, c'est aujourd'hui que vous pouvez retrouver les idées claires en podcast sur votre application préférée, qui est évidemment l'application Radio France, mais également sur les réseaux sociaux de France Info et de France Culture. Aujourd'hui, eh bien, les idées claires consacrées, vous n'allez pas en croire vos oreilles, au coronavirus. Et oui, on essaie essaie de répondre à cette question. Le coronavirus a-t-il été produit en laboratoire? Est-ce possible? Eh bien, on vous répond tout à fait scientifiquement dans la vidéo. Vous pouvez retrouver notamment sur Facebook et sur Twitter. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Alexandra Delbonne, Natacha Triou, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Sofiane Actib à la technique. Demain, on prend la calculette et on relit bien deux fois l'énoncé pour la semaine des maths. On vous explique comment et pourquoi les mathématiques, c'est peut-être pas facile à vulgariser, mais c'est essentiel, c'est beau, c'est nécessaire. Et plus encore, demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.